Il contient surtout un texte qui est très important pour nous, enfin très, tout est relatif, c'est Pagur uv i portar, quel homme est le portier, quel homme garde la porte. C'est un dialogue entre Arthur et un portier, et en fait Arthur essaie de gagner l'entrée dans l'endroit que garde le portier, et pour cela il doit, il fait une liste notamment des hommes qui l'accompagnent, pour en fait témoigner de leur valeur et de leur prouesse. Et c'est intéressant parce que on a une longue liste de chevaliers qui va, enfin de chevaliers, terme de chevalier est peut-être un peu anachronique, ce seront ceux qui vont venir plus tard les chevaliers de la table ronde. Des compagnons d'Arthur. Des compagnons d'Arthur, des guerriers d'Arthur. On va pas encore vous avoir sur le dos pendant 300 ans, si ? Nous, on est Celtes et on est fiers de l'être. Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 2, texte gallois et vie de saint. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode, merci à tous pour vos retours pour l'épisode 1 et votre enthousiasme. On a vu que vous étiez impatients d'avoir la suite, et la voici. On vient enfin vous présenter la suite logique finalement, on est encore dans une dimension très très introductive, j'ai l'impression, de la matière de Bretagne en fait. Oui, mais avant ça, on va peut-être parler justement un peu de ce courrier des lecteurs qu'on a eu. Alors, on voudrait remercier quelqu'un qui nous a envoyé, qui nous a recommandé un livre, Journey to Avalon, qui nous parlerait de l'Arthur historique, qui serait en fait un saint qui aurait été en ermitage dans un petit monastère breton, enfin de Bretagne continentale, et ça, il aurait percé à jour le mystère de l'Arthur historique. Alors, on l'a dit dans le dernier épisode, on veut pas forcément, enfin c'est pas comme ça qu'on va aborder Arthur, mais on pourra peut-être plus tard faire un épisode sur l'Arthur historique en tant qu'une itération supplémentaire de l'histoire. C'est-à-dire, finalement c'est une façon de le lire comme une autre. Quoi. Il y a des sources qui sont très très différentes, mais il y a une exploitation de textes entre guillemets, de narratifs existants, une exploitation de sources pas forcément arthuriennes, mais autres. Comme par exemple des sources romaines ou des sources. Voilà. Et du coup, c'est finalement. Ouais, ironiquement, l'Arthur historique est un Arthur fictionnel comme les autres, presque, on pourrait dire. On pourrait presque dire ça. C'est aussi. Peut-être plus récemment, c'est devenu aussi une espèce de marronnier où régulièrement on a peut-être des articles qui sortent dans la presse généraliste. Sur Séville Junior, on a trouvé la vraie tombe d'Arthur. On a retrouvé le vrai roi Arthur. Donc... Bon, c'était quelque chose qui se faisait déjà beaucoup au Moyen-Âge. Hein, tout au 13e, au 12e siècle, l'abbaye de Glastonbury annonce à grand frais avoir trouvé la tombe du roi Arthur qui va être presque un endroit touristique. La question après, la table ronde recréée à Winchester au 14e siècle, il y a vraiment une dimension un peu marronnier à trouver le vrai Arthur, pour pouvoir se réclamer peut-être d'une certaine façon du vrai Arthur, encore aujourd'hui, hein, ça continue. Donc ça participe vraiment encore au mythe, et peut-être dans cet angle-là, on va l'aborder. Un autre point qu'on peut aborder avant de commencer, c'est que vous avez peut-être vu qu'il y a un film qui va sortir. King Arthur, Legend of the Sword, avec Charlie Hunnam dans le rôle titre, et puis réalisé par Guy Ritchie, qui avait fait les films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de ce projet depuis peut-être 2011. Enfin, j'ai l'impression que depuis 2011, Guy Ritchie, il a annoncé « Je veux faire 7 films sur le roi Arthur », donc peut-être que celui-ci va faire assez d'argent pour qu'il en fasse plus. Ce qui pose la question de est-ce qu'on vous en parlera, puis je pense qu'on pourra faire un épisode spécial dessus. En tout cas sur ça, puis peut-être le comparer aussi à d'autres adaptations de la matière de Bretagne. Je vois beaucoup les gens, les commentaires sur internet, c'est ça a l'air horrible, le vrai film sur Arthur c'est Excalibur, rien d'autre, tout ça c'est anachronique. Excalibur les films arthuriens par définition ça a toujours été un peu une tarte à la crème, parce que soit tu fais un film qui veut être le plus historique possible comme King Arthur d'Antoine Fuqua, puis du coup ça ressemble à rien que les gens connaissent, c'est chiant. Ça peut être intéressant, mais disons que c'est plus un film sur un fait historique qui n'a pas grand chose à voir avec ce que les gens imaginent de la matière de Bretagne. Soit tu fais un film comme Excalibur qui est très high fantasy, très basé dans les chroniques, mais encore de façon très très détournée, parce que t'as un ton qui est assumé, tu vas avoir une mythologisation presque, de façon presque un peu différente. J'ai l'impression que c'est ça avec Excalibur. On n'est pas dans une dimension qui est forcément très très fidèle finalement à l'aspect médiéval. Et là, le King Arthur de Gage, je suis très très excité, je vais pas vous mentir. Je suis très sceptique aussi. Moi, je suis très très excité pour celui-là, parce que ça m'a l'air d'être le truc le plus dingue, le plus frappadingue possible dans la bizarrerie du truc. Et en ça ressemble beaucoup à d'autres romances médiévales, donc pour moi c'est tout à fait dans le ton. Peut-être pas d'Arthur lui-même, parce que les romances arthuriennes sont généralement un peu plus soft, Enfin, ça dépend lesquels, hein, on va en aborder des très bizarres, mais comparé à la moyenne des romances qui peuvent être encore plus n'importe quoi parfois, c'est quand même pas si inattendu que ça, finalement, d'avoir un film un peu à la Guy Ritchie. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, on va dire. Bah, personnellement, j'aurais presque peur de l'inverse, que ça soit trop soft. Enfin, en voyant la bande-annonce, j'étais là, peut-être que la bande-annonce... Mais il y a des éléphants en Bretagne qui vont dévaster le je sais pas quoi. Enfin, mais on pourra, mais c'est justement peut-être pour répondre à la question, on va pas forcément aborder toute la littérature arthurienne linéairement jusqu'à T.H. White avant. On m'a demandé si on allait parler de Kaamelott aussi, bah voilà, ce serait peut-être l'occasion d'en parler. On pourrait faire un week-end où on binge-watch tout Kaamelott et puis on en parle après. En live, on commente en live, on se stream en train de regarder Kaamelott. Parce qu'on a une émission, arthurienne depuis un mois, mais déjà à chaque fois qu'on en parle, il y a quelqu'un pour faire des blagues de Kaamelott, ça va pas être fatigant très vite. Non mais c'est vrai que c'est aussi un sujet qui a pas mal marqué les gens, je pense, qui a pu introduire certaines personnes à la matière de Bretagne, à la légende arthurienne, et puis surtout Kaamelott finalement au début avait un côté un peu plus anachronique, justement un peu plus à l'Excalibur de Bormann, puis finalement par la fin de Kaamelott en fait on sait être, c'est rigolo parce que tu peux voir le processus au fond des 5 saisons, sur la fin tu regardes les habits qu'ils portent, ça fait un peu hippie mais ça ressemble beaucoup à ce que les gens auraient porté au 5e, 6e siècle, tout en ayant un ton qui est très très arthurien, donc je trouve que Kaamelott pour le coup c'est un non, mélange c'est... des genres qui est pas forcément le pire dans le genre. Il y a beaucoup de choses à dire dessus mais... surtout dans sa dimension historisante, hein, par exemple qui réussit peut-être mieux à placer Arthur dans une logique historique semi-cohérente, j'ai pas envie de dire qu'elle est parfaitement exacte, mais en tout cas un projet historique qui est peut-être pas si éloigné de celui de Geoffroy ou bien de Wallace ou de Larman ou d'autres textes. Et en parlant de logique historique semi-cohérente, il faut peut-être qu'on aborde le problème de la chronologie de nos épisodes, parce qu'il n'y a pas que les films de Guy Ritchie qui vont poser problème sur comment est-ce qu'on doit les insérer dans le flux de nos épisodes, mais on va pas pouvoir faire vraiment une suite d'épisodes chronologiques en allant du plus ancien au plus récent, parce qu'il y a beaucoup de fils qui vont s'entrecroiser, de traditions qui échangent les unes les autres, donc très souvent on va devoir parler de quelque chose, mais ça veut pas dire parce qu'on en parle en premier que c'est le plus vieux. Par exemple, un truc dont on devrait vous parler d'abord, c'est Tristan et Iseult. C'est une des traditions les plus anciennes, même si elle est un peu marginale dans la légende arthurienne. Mais on va pas vous en parler avant longtemps, parce que elle est un peu à part, en fait. Elle est un peu séparée du reste. Mais pourtant, on sait qu'elle est probablement plus ancienne que certaines choses qu'on va vous parler avant. Ouais, et puis il y a aussi le fait que, bah voilà, c'est l'image arthurienne principale est largement issue de cette succession. Geoffrey de Monmouth, Chrétien de Troyes... Et après ça, bah voilà, les cycles français de la Vulgate, de la Post-Vulgate, les morts d'Arthur anglaise et le mort d'Arthur de Malory. Et puis, simplement aussi le fait qu'on puisse pas forcément toujours savoir de quand sont les textes qu'on discute. Enfin, certains textes sont écrits bien après qu'ils étaient composés. Certains textes peuvent avoir été composés, en fait, assez tardivement et avoir l'air d'avoir inspiré des choses qui sont, en fait, dérivées d'un texte qu'ils ont en commun. Des éléments qu'on retrouve dans l'un sont peut-être similaires à ceux d'un autre, mais sans être issus de celui-ci. Donc finalement, c'est assez compliqué de vouloir faire un plan détaillé de A à Z, et on va essayer plutôt d'avoir une certaine logique. Là, par exemple, bah, on a parlé des premières sources d'Arthur, des textes les plus anciens possibles sur Arthur la première fois. Et là, on va parler peut-être de des autres éléments importants qui sont pré-galfridiens, donc qui précèdent Geoffrey de Monmouth, tout en étant pas forcément nécessairement des inspirations qui vont être conservées partout ailleurs, mais qui vont être des textes importants, en tout cas dans leur milieu particulier. Dans ce cas-là, ce sera des textes gallois qui probablement remontent à avant Chrétien de Troyes, en tout cas, et peut-être aussi avant Geoffrey de Monmouth, et d'une autre part, des textes qui ont peu de descendance finalement directe, mais qui en ont quand même une certaine dans certains éléments peut-être. Ce sont des vides saints qui datent pas forcément d'avant la conquête, mais qui sont proches relativement, on est au 11e, 12e siècle par moment, proche encore de ses origines finalement galloises. Donc juste pour dire, si on vous parle de ça en premier, c'est pas pour vous dire voilà la vraie histoire du Arthur primordial primitif, tout ça est plus ancien que ce qu'on va parler après, c'est pour dire c'est une autre tradition qui va pas, justement pas forcément être préservée, et elle peut être intéressante parce qu'elle nous dit voilà un exemple de discours sur Arthur qu'on va pas forcément retrouver ailleurs, ou qu'on va peut-être retrouver ailleurs. Donc il va peut-être être important pour comprendre la suite. Je pense que c'est important qu'on en parle avant de parler de Geoffrey et de Chrétien, justement, parce que c'est un discours qui va être un peu perdu dans les deux cas. Peut-être d'une certaine façon, c'est plus intéressant de commencer par ce qui est large et les possibilités ouvertes, et de resserrer sur une conception arthurienne peut-être plus étroite, qui va être celle qu'on a aujourd'hui, qu'on avait peut-être au 14e, 15e siècle. Et puis, c'est peut-être dommage justement de se focaliser sur des grands textes, puis justement de regarder que les grands textes qu'on regarde toujours, mais je pense que ça reste quand même important, vu que c'est ceux qui ont globalement le plus d'influence, d'en parler d'abord, même si ça veut dire qu'il y a d'autres éléments plus marginaux et intéressants qu'on va devoir traiter après. Et puis ces grands textes, bah, ils ont beau être les plus lus, les plus étudiés, les plus connus, ne sont pas pour autant les mieux compris, disons, nécessairement. Donc voilà, ce sera une perspective assez, hein, peut-être un peu tortueuse qu'on va prendre, serpentine, à travers les textes arthuriens, mais on espère en tout cas qu'elle vous permette d'appréhender ça avec le plus d'outils possible. On sait peu de choses sur la poésie galloise primitive, puisque la plupart des textes qu'on a, même si on pense qu'ils ont une base originale, enfin qui daterait de cette ère galloise antérieure, ont été compilés plus tard, et les manuscrits sont tous plus anciens, mais on a quand même quelques éléments sur ce que devait être cette tradition. Oui, alors on sait qu'il y a une poésie galloise, en tout cas dès le Xe siècle, parce qu'on a des manuscrits d'église, des manuscrits religieux qui contiennent des vers religieux, des anglignones en gallois, dès cette époque-là. La plupart des manuscrits gallois qui ont survécu de l'époque sont en fait des manuscrits qui sont partis du pays de Galles, parce que bah, ils avaient un intérêt, soit c'était des livres historiques, soit c'était des livres religieux. Et on a assez peu exporté de poésie galloise, qui était tellement typique que bah, ça n'intéressait pas grand monde ailleurs que le pays de Galles. Et du coup, les manuscrits gallois conservés au pays de Galles ont été généralement très mal conservés. On a très peu de manuscrits. On a en fait quasiment pas de manuscrits. Aucun des manuscrits dont je vais vous parler là ne date vraiment de l'époque, de la même époque que les poèmes qu'ils contiennent. Tous ces manuscrits sont ultérieurs. Le plus ancien date du XIIIe siècle, pour vous donner une idée. Donc c'est toujours assez hasardeux parce qu'on doit juger de quand date quel manuscrit et de quand date le poème en lui-même. Donc c'est toujours assez, assez périlleux de faire des affirmations définitives sur aucun de ces poèmes. Alors, on va ici s'intéresser aux textes de ces manuscrits dont on sait ou on se doute qu'ils prédatent Geoffroy de Monmouth, parce que c'est un peu ce versant arthurien qui commence vraiment à se populariser, à se diffuser et qui va influencer tout ce qu'il y a après. Geoffroy de Monmouth, c'est celui qui inaugure la tradition des chroniques avec l'Historia Regum Britanniae, qui est un texte emblématique de la tradition arthurienne, dont on vous parlera ensuite. Mais justement, le gros problème, c'est démêler ce qui date de la tradition galloise antérieure ou de ce qui a été influencé par ces textes-là. Les manuscrits gallois, on en compte 5 principaux dont je vais vous parler. Il y en a plusieurs autres, hein, plus mineurs. Les 5 principaux sont le Livre noir de Caermarthen, qu'on retrouve à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles, dans la collection Peignarth, c'est le manuscrit numéro 1. Le Livre de Taliesin, Peignarth MS2. Le Livre d'Anerin, Cardiff MS2.81. Le Livre rouge d'Ergues, qui est lui conservé à Oxford, à Jesus College, manuscrit 111. Le Livre blanc de Riedersch, qui est le manuscrit Peignarth, enfin les manuscrits Peignarth 4 et 5, parce qu'il est fragmentaire et il était divisé, et ainsi que plusieurs manuscrits de triade, notamment MS Peignarth 20 ou 45. Le Livre d'Anerin, donc celui que je vous ai déjà mentionné, hein, quand on a parlé des Gododin, ne contient qu'en fait que ce poème, que Igododin, donc il n'est pas tellement intéressant pour le reste. Le Livre noir de Caermarthen, qui a été compilé vers 1250, lui, ne montre pas du tout d'influence galfridienne, de Geoffroy. Il contient surtout un texte qui est très important pour nous, enfin, très, tout est relatif. C'est Pagur Uv y Portar. Je ne sais pas si je l'ai très bien lu, mais quel homme est le portier? Quel homme garde la porte? C'est un dialogue entre Arthur et un portier. Et en fait, Arthur essaie de gagner l'entrée dans un endroit que garde le portier. Et pour cela, il doit, il fait une liste notamment des hommes qui l'accompagnent pour en fait témoigner de leur valeur et de leur prouesse. Et c'est intéressant parce que on a une longue liste de chevaliers Le terme de chevalier est peut-être un peu anachronique. Ce seront ceux qui vont devenir plus tard les chevaliers de la Table Ronde. Des compagnons d'Arthur. Des compagnons d'Arthur, des guerriers d'Arthur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne il mentionne aussi Hlachiaw, qui est le fils d'Arthur, en fait, dans les légendes galloises, qui se recoupe avec le Loholt, par exemple, du Père Lesfos. Ouais. Et d'ailleurs, de façon intéressante, le Loholt de Père Lesfos est traduit par Hlachiaw en gallois, dans la traduction galloise de Père Lesfos, du Haut Livre du Graal. Et il y a un des vers de Pagur qui mentionne justement la possibilité que. Il mentionne Ké et Hlachiaw combattant ensemble, mais on ne sait pas s'ils se combattent l'un et l'autre, comme Père Lesfos, ou côte à côte. Le Livre noir de Caermarthen contient aussi plusieurs strophes, donc des anglignones qui contiennent de la matière arthurienne. Les anglignones sont un peu des fragments, mais on ne sait pas s'ils sont vraiment des fragments de quelque chose déjà existant ou simplement des vers qui permettaient à des bardes de rebroder de la légende dessus. Est-ce que c'était vraiment des fragments tels quels? Est-ce que c'était des briques ou est-ce que c'était des textes dans leur propre doigt? Ils sont organisés en séquences plus ou moins cohérentes. Il y a notamment une des séquences qui s'appelle les Englignoni Bedau, les strophes des tombes, qui est intéressante parce qu'elle mentionne les tombes de Glarmai, donc de Gauvin. Donc on sait déjà que le personnage de Glarmai Gauvin existe dans la tradition galloise. La tombe d'Owain, fils d'Urien, donc Yvain, et la tombe d'Arthur, qui est mentionnée comme étant une merveille, un terme qui est un peu difficile parce qu'on ne sait pas si ça veut dire une merveille absolue, elle est très belle, fabuleux, ou alors si elle est justement dans le sens fabuleux, difficile à trouver, caché. Ouais, fantastique. Et ça pourrait avoir un sens pour sens que Arthur, sa tombe, on ne sait pas très bien où elle est, parce peut-être qu'il n'a pas de tombe. Ouais. Elle est sur Avalon ou elle est sur quelque part de caché, et Arthur va peut-être justement revenir. Donc ça, c'est un peu l'essentiel qu'on trouve dans ce livre noir. Des textes donc très fragmentaires, hein, fragmentaire est peut-être pas le bon terme exactement, parce que c'est peut-être pas des fragments, c'est peut-être des textes qui existaient dans leur entièreté comme des textes qui avaient l'air de fragments. Si qui étaient allusifs. C'est très allusif, comme toute la poésie galloise, on sait pas, par exemple, quand on mentionne la mort de quelqu'un, on sait rarement de quoi il va mourir, on sait que Massien est mentionné en tant que mort, mais on ne sait pas comment. Donc c'est supposé que les gens qui lisaient ces poèmes savaient à quoi ça se référait, que c'était des histoires connues, donc ça c'est des résumés un peu. Des résumés, ou alors peut-être des outils mnémoniques. Il faut dire aussi que ce qui a été conservé par écrit a un biais. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a écrit une partie, qui ne se souvient que d'une partie, ou qui n'a lu qu'une partie, et que du coup, la personne qui a noté le texte ne sait pas exactement tout. Donc, il y a toujours les biais habituels que sont le filtre un peu de ce qui passe à l'écrit. Surtout pour quelque chose qui est aussi distant, les livres. Je vous ai dit que le livre noir a été compilé vers 1250. Les œuvres qu'il contient sont probablement 10e, 11e siècle, donc bien avant. Le livre de Taliesin, lui, a été compilé dans la première moitié du 14e siècle, donc on est déjà pratiquement un siècle plus loin. Et il contient aussi plusieurs allusions à Arthur, il y a plusieurs poèmes courts. Il y en a un qui s'appelle Maronat Utir Pandragon. Donc, en fait, le dragon a été ajouté parce que littéralement c'est le Maronat Utir Pen. Et Pen, ça veut dire la tête. Donc, on ne sait pas exactement. C'est probablement Utir Pandragon parce qu'il est mentionné ailleurs dans des triades, par exemple. Mais enfin, on ne sait pas exactement si ça se réfère à Luther de la tradition arthurienne parce que Utir n'apparaît pas, en fait. C'est une élégie dite par cette personne, Utir Pandragon, qui est proche de la persona du poète Taliesin, qui est ce poète légendaire dont on dit qu'il est enfanté, qu'il est la réincarnation d'un être précédent. Ça, c'est, la mythologie autour de Taliesin est très complexe. Et il passe pour être un poète à la cour d'Arthur. Et le Maronat serait une élégie dite de la bouche d'Utir Pandragon. Et Utir Pandragon a des qualités en commun avec Taliesin. Il est ce change-forme un peu, ce tricheur un peu... de la réalité. Donc c'est peut-être pas le père d'Arthur, mais en tout cas c'est un personnage lié à cette légende. Mais le texte le plus important du livre de Taliesin, c'est le Praedo Annwn, littéralement le butin ou les trésors d'Annwn. C'est un texte qui raconte une expédition d'Arthur dans cette Annwn. Annwn, c'est le terme utilisé par les Gallois pour désigner l'autre monde, mais le monde des morts, mais ça, ou le monde des spectres, le monde, enfin c'est un monde à part, un autre monde. L'outre-monde, si on veut. Et le truc, c'est que ça, l'Annwn a une notion très physique. C'est pas simplement un autre état d'existence, c'est un endroit où on va. En l'occurrence, il se rend en Annwn pour délivrer un des personnages mentionnés dans les triades galloises, comme un des trois prisonniers exaltés de l'île de Bretagne, qui s'appelle Gwaer, et il va ramener des trésors. Et ce qui est intéressant, c'est que le Praedo Annwn a beaucoup de trésors, et ce schéma d'aller se rendre dans un endroit pour y ramener des trésors, un schéma qu'on trouve beaucoup, notamment dans Colore Olwen, qu'on va mentionner plus loin. Le livre de Taliesin, c'est principalement ce grand poème et ses petits autres fragments qui mentionnent d'autres personnages liés. Il mentionne notamment Lachau, par exemple, ou des personnages comme Gauvin ou enfin, Glarmai en gallois. Comment on dit Annwn? Ça s'écrit A-N-N-W-N, mais ça se prononce Annwn, en fait. Annwn. Ou Annwn. Cette idée de l'Annwn comme un endroit physique, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu plus tard, j'ai l'impression, genre dans le Lancelot de Chrétien de Troyes, il va dans le pays dont personne ne revient. Je crois que c'est supposé que c'est un motif... C'est des motifs liés. Ça apparaît dans d'autres aussi branches galloises, typiquement les branches du Mabinogi, les Mabinogion. La première branche raconte l'histoire d'Araun, qui est le roi, en fait, de l'Annwn, qui échange sa place avec un autre roi, le Pwyll, en fait. Et ils échangent leur place. Donc c'est un schéma qu'on retrouvera dans d'autres histoires. Mais en tout cas, c'est certainement cette idée très physique. C'est un endroit qui a justement pu évoluer, par exemple, d'une histoire à propos d'un seigneur qui se rend dans une île en particulier, qui est devenu, ça a été mythologisé, en fait, si on veut, sous le nom d'Annwn. Et donc tu veux nous parler peut-être justement du Mabinogion. Alors pour ça, il faut mentionner les deux livres, le livre rouge d'Ergest et le livre blanc de Rider, qui sont en fait des manuscrits qui datent les deux du XIVe siècle, à peu près de la même époque, qui contiennent des textes très similaires, ils contiennent en majorité la même chose. Il y a quelques différences, certaines œuvres ne sont pas présentes dans les deux, notamment le rêve de Randbanmu, qui est un autre texte arthurien qu'on mentionnera peut-être plus tard. Le principal texte des deux livres, c'est Mabinogion, justement. C'est quatre branches qui racontent une histoire qui est probablement plus ancienne que la légende arthurienne. notamment centré autour du héros gallois Pryderi, je ne sais pas comment on le prononcerait exactement avec ces U et ces I. C'est la mythologie très fondatrice, en fait. C'est encore plus ancien que les légendes arthuriennes, certainement. Il contient aussi trois romances arthuriennes très classiques. Peredur, qui est un analogue de Perceval, probablement basé sur le Chrétien de Troyes, ou en tout cas sur une source commune qu'il partage avec Chrétien de Troyes, parce que c'est très très proche. Une version de Owain, qui est en fait proche d'Yvain, et Geraint et Erbin, un analogue de Erek et Enid. Il contient aussi un texte qui s'appelle Hlud et Lefles, qui contient des éléments en commun avec ce qu'on trouve chez Nennius et Geoffrey sur Emrys et les dragons rouges. Et surtout, ce qui nous intéresse surtout, c'est Coloch et Olwen, qui est, la plus ancienne histoire arthurienne complète, disons, sur le schéma habituel d'un héros qui arrive à la cour d'Arthur et qui lance une quête. Ouais. Et c'est surtout une des premières dans lesquelles Arthur joue un rôle essentiel, central, parce qu'on n'est pas encore à l'époque où Arthur va justement être ce personnage dont la cour est utilisée comme un décor pour d'autres aventures. Ouais. Là, c'est vraiment Arthur qui va prendre la direction de la quête. Tous ces textes ont été compilés ensemble dans ce qu'on appelle les Mabinogion, justement, par la traductrice de ces œuvres en anglais, la première traductrice de ces textes, Lady Charlotte Guest. Et en fait, on a gardé cette structure, même si ces textes n'ont pas forcément de lien autre le fait d'être dans ces deux manuscrits. Ouais. Coloch et Olwen est peut-être le plus important pour nous, justement, parce qu'il est ancien, il date du Xe siècle, probablement. C'est en fait un des plus anciens qu'on ait. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il a déjà cette idée d'une cour d'Arthur, où Arthur est déjà roi, il est chef des rois de Bretagne. Il est déjà un personnage important, et on vient à lui pour avoir des aventures. En l'occurrence, Coloch est son cousin, et sa mère envoie Coloch, qui veut conquérir la main d'Olwen, la fille du géant Ysbaddon, et l'envoie chez son cousin Arthur, pour qu'il lui accorde Olwen comme cadeau, en fait. C'est cette histoire, ce schéma du tu te rends chez ton parent ou chez ton seigneur, ouais. Tu lui demandes quelque chose, il doit te l'accorder. En l'occurrence, il demande l'aide de la cour d'Arthur. Donc il arrive chez Arthur, il se fait couper les cheveux par Arthur, ce qui est peut-être un symbole de relation parentale, ouais. Ou en tout cas de relation familiale. Et il demande justement, en faisant toute une liste des chevaliers dont il implore des chevaliers. J'utilise toujours le terme chevalier parce que c'est difficile de sortir de cet aspect des chevaliers de la table ronde. Il fait une liste des guerriers d'Arthur dans laquelle il mentionne de nouveau Kay, Bedwer, Clarmaille. Donc toute une liste de guerriers qui ne va pas forcément survivre dans la légende arthurienne ultérieure, mais qui montre l'existence d'une tradition allusive, parce que s'il fait cette liste de guerriers, c'est pas simplement parce que l'auteur du texte ou le poète avait une quantité de noms à dépenser. C'est clairement parce que ce sont des textes et des noms qui vont être retenus et qui est évocateur d'autres histoires. Et avec tous ces guerriers et Arthur, ils vont donc aller se rendre chez le géant Ysbaddon, qui va demander toute une série de quêtes, une centaine de quêtes qu'ils vont devoir remplir avant de gagner la main de Olwen. En fait, sa place se compte dans une série de contes qu'on appelle les contes de séduction, qui sont très fréquents en littérature irlandaise notamment. Et en fait, ça va être une quête qui va prendre justement beaucoup d'épisodes dans lesquels le poète va recycler d'autres éléments, des éléments qui ont beaucoup d'analogues. Typiquement, cet élément de la quête vers un autre monde ou quelque part pour chercher des trésors ou des prisonniers, ça se retrouve chez Coloch et Olwen, parce qu'Ysbaddon demande pour le festin du mariage d'Olwen qu'on aille chercher un certain chaudron qui est caché sur une île et qui permet de nourrir toute une compagnie de guerriers. Ouais. Et donc on raconte l'histoire de comment ce chaudron va être gagné par Arthur dans une histoire qui est très similaire à celle de Preidoanun. Un autre élément, c'est les chasses. Il y en a plusieurs dans le livre, notamment la chasse du sanglier Thorhtur. Je sais pas si je. Encore une fois, ne me faites pas confiance sur la. C'est vrai que c'était un peu idiot de faire un podcast avec des noms gallois partout. Thorhtur, qui est un sanglier sauvage extrêmement puissant et large, qui aurait dans sa crinière un peigne et des ciseaux qui permettent de coiffer le géant Ysbaddon avant le mariage de sa fille. Donc toutes ces séries de récits sont propres, existaient peut-être d'une certaine façon ou d'une autre, ou peut-être une excuse pour le poète pour rajouter des éléments qu'il connaissait. On voit bien là, hein, cette modularité des textes. Il y a plein d'éléments qu'ils peuvent utiliser et rajouter pour créer une espèce d'infinité d'histoires possibles. Typiquement, une quête impliquant des sangliers, on peut la recycler pour faire une histoire telle. Ouais. Par exemple, des prouesses relatées dans Pagour, l'histoire des portiers. Arthur mentionne des prouesses de quai qu'on retrouve utilisées dans Colour et Olwen. Alors peut-être que l'un a donné naissance à l'autre, ou peut-être que simplement des éléments qu'on retrouve à l'identique dans plusieurs... Les deux piochaient dans la même tradition. Voilà, ça peut être une tradition qui est riche et qui est très bien illustrée comme ça. Et donc la fin de Colour et Olwen est assez classique. Après avoir amené les cadeaux, enfin tout ce que demandait Isbaden, ouais. Isbaden accorde la main de sa fille à Colour et un des hommes d'Arthur décapite le géant. Et met sa tête sur un poteau. Sympa. Et Olwen et Colour se marient et tout est bien qui finit bien. Enfin, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi cette histoire se terminait avec la mort d'Isbaden. Bon, c'est un géant, il est relativement maléfique. Enfin, c'est quand même une drôle de cérémonie de mariage. Ouais. Si on tuait le mariage rouge, en fait, ouais. Pour rester dans une thématique actuelle. Mais enfin, ça reste vraiment quelque chose d'assez surprenant, pour le coup, quand on lit. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avant d'être tué, il précise bien à Colour, qui a beau être le personnage titre, c'est Arthur qui a tout fait. Il lui dit, sois bien conscient que tu dois tout à Arthur, parce que c'est lui qui t'a aidé. On est encore dans le stade où Arthur est un personnage fabuleux et il n'est pas juste un ancrage symbolique pour les aventures d'autres personnages. Voilà, exactement. On n'est pas encore dans un stade où Arthur est une brique comme les autres, mais du coup, ça lui permet d'avoir une présence et des actions, des légendes. Alors qu'après, bon, c'est pas pour dire que les textes ultérieurs vont pas avoir d'un Arthur qui a des actions, mais ça, c'est quelque chose qui va être largement réservé à une traduction des chroniques où on chronique le règne d'Arthur dans son intégralité. Il n'y a pas beaucoup d'aventures, même les aventures où c'est Arthur, où il arrive quelque chose à Arthur, c'est un autre chevalier qui va résoudre le problème en général. Ouais. Typiquement, dans le mariage de Sir Gawain et Dame Ragnell, qu'on mentionnera peut-être quand on parlera des aventures de Gawain et dans la littérature anglaise, le problème vient du fait que Arthur a merdé quelque part, mais c'est Gawain qui va résoudre toute la situation, en fait. Je pense peut-être au Chevalier au Papega, où t'as Arthur qui est incognito, en fait, puis se balade, et puis... Mais il est loin d'être glorieux, justement, il se balade, et puis les gens lui disent « Ah, si jamais vous croisez le roi Arthur, dites-lui qu'il faut qu'il arrête de se prélasser dans sa cour, et tout, et puis, il est incognito, donc il accomplit des exploits sans que les gens sachent que c'est lui. » Mais justement, c'est pas non plus... Ouais, il est plus à ce stade-là, ce personnage fabuleux, c'est... Non, on est dans une dimension assez différente. Parce que dans la dimension primitive, si on veut, avant Geoffroy, Arthur n'est pas un personnage qui a vocation à nécessairement être un modèle absolu d'un monarque comme ça. On est encore dans un chef de guerre, clairement. Son titre, c'est chef des rois de Bretagne. Il a quand même déjà cette notion d'être Rex Totus Britanniae, si on veut. Mais il n'a pas du tout de ce côté monarque dans sa tour, qui règne et qui a sa cour, qui va faire ci et ça. Il y a déjà cette notion qu'on vient à sa cour, qu'elle est renommée, qu'elle a beaucoup de guerriers, mais on est dans une dimension encore de roi guerrier, ouais. Très actif. Et c'est quelque chose qui est renforcé si on lit, en fait, c'est un autre élément très important de la littérature galloise, ce sont les triades. Les triades sont des éléments, toujours par trois. Pour vous donner un exemple, vous avez les trois héros bien membrés, littéralement, c'est ça, well endowed, bien membrés de l'île de Bretagne, qui sont Riawalan aux cheveux de balai, Glarmai, fils de Gwyard, et Larao, fils d'Arthur. Et ce sont les trois hommes bien membrés, bien dotés de l'île de Bretagne. Un des exemples aussi, c'est les trois ravageurs rouges de l'île de Bretagne, qui sont Rhun, fils de Béli, Hle à la main agile, Morgant le riche, mais la triade précise ensuite, il y en a eu un qui fut un ravageur rouge encore plus grand que tous les trois, et c'était Arthur. Pourquoi rouge ? Probablement à cause du sang versé. La triade dit que pendant une année... ni herbe ni plante ne poussèrent là où un des trois marchait, mais quand Arthur marchait, c'était pour 7 ans qu'il n'y avait plus rien qui poussait. Donc vraiment, soit c'est sur 3 personnages, par exemple 3, je sais pas, 3 prisonniers exaltés comme on l'a vu avant, dont Guerre était un, ou alors on a cette dimension où un quatrième personnage va être utilisé comme exemple suprême. Tout ce qu'on sait, c'est que ces fragments sont mentionnés parfois dans des textes. Typiquement, les Prayers de la Lune mentionnent Guerre comme... Guerre, c'est la sœur d'Arthur, la mère de Clarmaille. Guerre est un prisonnier exalté de Bretagne, c'est mentionné dans le texte. Donc, c'était probablement des outils mnémoniques pour les bardes, ou les conteurs, les poètes, qui pouvaient ainsi avoir... il y a 3 héros qui ont fait ça, il y a 3 héros qui ont fait ci... Et ça permettait de s'en souvenir avec un vers particulier. Ouais. Tiens, j'ai envie de raconter une histoire sur un type. Il y a telle triade qui dit qu'il y a eu 3 types qui ont fait ça. On va en prendre un des 3 et on va raconter une histoire. Ou alors, ça permet aussi de remplir du texte en disant « Ah, mais un tel faisait partie de telle triade. » On retrouve aussi des ensembles comme les 13 trésors de l'île de Bretagne, dont l'identité des 13 en question varie selon le cas. Enfin, il y a une espèce de catégorisation qu'on retrouve dans des manuscrits, comme on trouve des triades dans le livre rouge d'Hergest, on trouve dans plusieurs autres manuscrits. Et chaque fois, alors c'est des ensembles un peu légèrement différents qui se recoupent parfois, mais ça a toujours en commun ce côté allusif, encore une fois. Ouais. On est dans une poésie qui n'est pas, qui ne présuppose pas qu'on va vous expliquer toute l'histoire. Mmh. C'est à l'opposé presque de la poésie germanique, qui a tendance à recommencer à raconter une histoire avec le grand-père du héros et à vous expliquer comment le héros, la famille du héros est devenue ce qu'elle est et ce que le héros a fait. Et quand il y a une allusion qui est faite, elle est toujours expliquée. Et même si on regarde quelque chose comme Beowulf, par exemple, le poète commence par raconter tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive... Depuis la création. Ça, c'est le cas dans les Eddas, par exemple. Ouais. Dans Beowulf, on commence par raconter l'histoire des Gardenas, les Danois à la lance, qui finissent par arriver à la lignée de Hrothgar et au problème qu'il a à Eorot avec Grendel. Et on raconte aussi la lignée des Geats avec l'histoire de Beowulf, justement, et de sa famille. Donc on est vraiment dans une dimension, ici, la littérature celte est beaucoup plus allusive. On mentionne qu'un tel est mort, mais on ne mentionne pas comment il est mort. On mentionne qu'un tel sont les 3 héros au coursier rapide, mais on ne mentionnera pas comment ils ont gagné ce titre, ou pourquoi leurs chevaux étaient particulièrement rapides. Ce qui rend justement les spéculations sur ce contenu de la littérature assez hasardeuses, enfin, forcément hasardeuse, mais souvent c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'informations où on dit ça pourrait être ça ou pas, ou quelque chose de complètement différent, parce que c'est des morceaux. Par exemple, on a un héros qui est mentionné comme les trois chevaliers vierges de la cour d'Arthur, qui mentionne Peredur, fils d'Efrag, qui est donc le Peredur des Mabinogion. Mais ce Peredur qui a été probablement créé après qui a peut-être recyclé un héros plus ancien, mais qui est certainement inspiré largement de la couche qu'a ajouté Chrétien justement sur Perceval, qui a été assimilé à ce Peredur. Donc c'est très difficile de le juger, parce que même ces triades, on en a des qui ont été clairement inspirées, que celles qui mentionnent les chevaliers ont été clairement inspirées par la littérature française et anglaise sur le sujet. Donc on n'est pas dans une dimension exclusivement archaïque non plus. On n'a pas accès vraiment à cette littérature sous forme pure, entre guillemets. Le plus proche qu'on ait, c'est Colo Réolwen, qui a été encore une fois écrit bien après, donc il est possible que certains éléments étaient, c'est peu probable, mais il est possible que certains éléments remontent en fait à ultérieurement, mais on doute quand même. Ce qu'on peut dire en gros, c'est qu'il existe bien Arthur, qui a bien une famille, qui a un fils, ce qui n'est pas courant forcément dans la littérature française, mais qui arrive quand même, et qui a une reine qui s'appelle Gwynephar, qui a un neveu qui s'appelle Clarmaille, et ça c'est important, qu'il y a une mort à la main de Medrawt, donc Mordred, qui n'est pas mentionné comme un membre de sa famille au début, à la bataille de Camlann. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les textes gallois, pas seulement dans les Annales Cambriae, mais dans les textes comme un des poèmes du livre de Taliesin le mentionne notamment. Donc, c'est les éléments essentiels Kay et Bedur Petiver sont les deux principaux bras droits d'Arthur, avec Clarmaille. Et c'est à peu près là l'essentiel qu'on a de la mythologie celte arthurienne qu'on a avant Geoffroy de Monmouth. Je pense qu'on peut, on peut conclure sur une tradition qui est très très difficile à résumer et à comprendre. Si vous voulez vous donner une idée aussi vague qu'elle puisse être, Il y a plusieurs œuvres contemporaines qui reprennent un peu cette idée, notamment Jean Marcal, qui a écrit un livre intitulé « Le roi Arthur et la société celtique », qui est très différent parce que Jean Marcal a écrit beaucoup sur la littérature celte, mais aussi la littérature arthurienne. Il a repris toute une, il a refait des réécritures de l'histoire du Graal assez assez générale. Il en a fait un qui s'appelle « Le roi Arthur et la société celtique », qui est justement plus orienté sur les aspects celtes. Mais là, on est vraiment dans les aspects celtes des légendes ultérieures. Donc, par exemple, quel élément de Lancelot a pu être inspiré par des légendes celtes. Voilà. Et il essaie de recréer une histoire un peu primitive du roi Arthur, qui est très, très, que je trouve maladroite, parce qu'elle prend pour comptant du fait que beaucoup d'éléments seraient purement celtes. Typiquement, ben, il raconte un analogue absolument très, très proche de Gauvin le Chevalier Vert, comme ça, se déroulant et arrivant à Arthur. En se basant sur le fait que y a des décapitations dans d'autres textes celtes plus anciens, sauf que là il suit exactement le schéma de Sir Gauvin le Chevalier Vert. Il projette sur le passé des textes contemporains. C'est la même chose avec la BD Arthur, une épopée celtique, qui est une série de BD en je crois 7 ou 8 tomes qui fait partie de ce revival celtique où justement probablement inspiré de Marcal. Donc on a de nouveau on a Myrdhinn, on n'a pas le Graal, mais le roi Arthur et la société celtique a au moins l'avantage de pas trop invoquer de trucs appartenant à chrétien. Arthur, une épopée celtique, lui va vraiment la série va vraiment chercher tous les textes qui ont une once de celtisme en eux, donc adapte typiquement l'histoire de Peredur qui est pourtant ultérieur, ou l'histoire de Geraint, l'histoire de Tristan aussi. C'est toujours le risque qu'on veut essayer de faire une tradition, parce qu'on veut essayer de créer une histoire celtique cohérente narrativement, enfin, on finit par prendre des blocs qui viennent clairement beaucoup plus tard. Mais le problème, avec un mishmash un peu. Le problème aussi, c'est que c'est une tradition qui est tellement vaste et allusive qu'on peut pas dire qu'il y a une tradition arthurienne avec. C'est pas un univers particulier qui va être considéré comme séparé. On n'est pas dans une notion. Il faut pas s'imaginer que les textes gallois se divisent en, par exemple, l'univers du Mabinogion, l'univers d'Arthur, l'univers de Taliesin, etc. C'est vraiment pas. On n'est pas au 21e siècle avec l'univers Marvel, l'univers DC, tout ça. C'est clairement Il n'y a pas trop de frontières entre. Voilà, il n'y a pas de frontières. Typiquement, Owain est un personnage à la base semi-historique, qui va être petit à petit devenir une légende. Et probablement arrivé justement par ses poèmes gallois dans les alentours d'Arthur avant d'être complètement transformé en chevalier de la table ronde par Chrétien. Quelque chose comme les Mabinogion vont avoir des allusions dans les textes arthuriens. Et quelque chose comme, par exemple, l'histoire de Tristan, certainement une histoire beaucoup plus ancienne, effectivement, qui a une existence propre et qui va devenir assimilée. Mais elle est déjà assimilée, par exemple, à Arthur à l'époque des Celtes. Ouais. Donc, on est à l'époque Celte. Donc, on est vraiment dans un processus qui est constant de lien. Il ne faut pas simplement se dire, c'est les Français et les Anglais qui ont tout combiné, toutes ces légendes celtes dans un micmac. Faut pas non plus s'imaginer que ça ait tout été inventé à un point X dans le temps. Voilà, il faut pas ça. C'est un processus qui était déjà. Ces processus de rencontre, d'ajout de personnages peut-être séparés, ne sont pas uniquement le fait de chrétiens ou des écrivains comme Thomas et Béroulle pour le Tristan français. On leur a beaucoup attribué le fait d'avoir instauré Tristan dans la légende arthurienne, mais enfin, Tristan est déjà mentionné en rapport avec Arthur. L'autre problème aussi, c'est des choses comme les Higo d'Odin, par exemple, qui mentionnent des allusions à Arthur, qu'on considère comme de la matière arthurienne parce qu'ils font une allusion à Arthur. Mais ça peut avoir une référence à la base historique. Bah, c'est difficile de voir à quoi ça se rattachait à l'époque. Voilà, c'est comme, on a bien des blagues où Spider-Man dans des comics fait des allusions à Batman. Imagine que dans ou à Star Wars par exemple. Mais est-ce que c'est voilà. Mais voilà, si un archéologue ou plutôt un philologue dans 100, 500, 600, 700, 800 ans, 1000 ans va les lire, est-ce qu'il va se dire il y a un univers. Il essaie de reconstituer de la littérature pop culture. On a beau jeu de dire, c'est comme les comics, c'est un peu plus formel que ça, disons, parce que c'est inhéremment quelque chose qui va être. On n'a pas beaucoup parlé du public, mais c'est un public qui est quand même pas forcément populaire. En tout cas, ce qu'on en a, c'est des formes plutôt prestigieuses, éduquées. Donc, c'est ce qui survit, évidemment. Ouais. Je vais pas dire non plus que c'est quelque chose qui était réservé aux classes supérieures, mais c'est clairement quelque chose qui va être relativement. En tout cas, ce qu'on a, c'est une littérature de cours, quoi. Et peut-être qu'on peut conseiller, pour finir, une référence, si des gens sont intéressés sur l'Arthur gallois. Oui, une référence particulière sont les volumes édités par le Wynever Trust et la Société internationale arthurienne, qui ont publié une série de volumes qui se consacraient essentiellement au texte par, source, en fait, par langue. Ouais. Donc on a l'Arthur des Français, l'Arthur des Allemands, l'Arthur des Anglais, et il y a justement un Arthur des Gallois, The Arthur of the Welsh, qui est un des plus anciens, publié en 91, l'édition que j'ai, et qui va en fait, c'est une série d'essais, mais qui couvre à peu près toute la littérature arthurienne celte, en se basant sur le Arthur historique, les poèmes primitifs que je vous ai mentionnés, Colore Olwen, les vides saints gallois, mais également Geoffroy et ses traductions celtes, la légende de Merlin, Owain et tous les textes du Mabinogion, jusqu'à les transmissions de ces textes vers l'Angleterre et la France. C'est pas exhaustif dans le sens que c'est pas encyclopédique. Il résume pas forcément tous les textes de la même façon, mais les auteurs s'intéressent de façon différente selon leurs intérêts et leur champ. Ça reste une référence en termes d'explication de comment ces textes interagissaient. Et sinon, la plupart des... Il y a beaucoup d'encyclopédies arthuriennes qui existent. La plupart ne mentionnent pas beaucoup cette période parce que c'est quelque chose qu'on connaît assez peu et qui serait beaucoup conjecture. Donc, vous trouverez les bas, disons, la plupart mentionneront Preid Oanoun, Colore Olwen et le Pagour, sans doute, ainsi que d'autres poèmes. Mais ça va être très basique, quoi. Hein. Alors, ça conclut un peu ce survol sur le très basique des sources galloises de la littérature arthurienne. On va passer maintenant à un Arthur un peu étrange, enfin qui est aussi inhabituel, l'Arthur qu'on trouve dans les Vides Saints. Donc c'est pas proprement de la littérature, mais Arthur est un personnage secondaire de certaines de ses histoires, et on va voir quel visage ça lui donne, avant de passer enfin à la tradition des chroniques, qui est beaucoup plus large et qui va inaugurer quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on entend aujourd'hui par littérature arthurienne. Les Vides Saints qui racontent des personnages chrétiens exceptionnels qui ont été canonisés, qui ont une sorte de grâce divine qui leur permet de faire des actions exceptionnelles, surnaturelles. Et dans ce genre de Vides Saints, ce qui est valorisé plutôt que l'héroïsme, la bravoure et les combats, c'est la vertu, la piété de ces personnages très chrétiens. Du coup, Arthur, le roi Arthur, il remplit plutôt le rôle du monde temporel, du roi, de la royauté, qui est presque un antagoniste, c'est-à-dire qu'il a un rôle presque d'ennemi de ces personnages saints. Par exemple, dans la vie de Saint Eflam, il y a un saint breton, Eflam, qui aide Arthur à vaincre un dragon. Caranog lance dans la mer un hôtel merveilleux qui lui a été envoyé par Dieu pour découvrir de quel côté il devait aller. Donc il lance la mer, il regarde de quel côté ça va, il le suit. Et Arthur s'en empare. Alors Caranog trouve Arthur et lui demande est-ce qu'il a vu l'hôtel. Et Arthur lui répond qu'il ne répondra que s'il lui amène le dragon en question. Le saint accomplit ce prodige à travers ses prières et il ramène le dragon en laisse à Arthur. Et ensuite, il le libère avec l'instruction de ne plus faire de mal aux gens. Arthur s'était emparé de l'hôtel pour s'en servir comme une table, en fait, et il est frustré parce que tout ce qu'il met dessus gicle hors de l'hôtel, il n'arrive pas à s'en servir comme table, et du coup, il le rend au saint. Pire encore, dans la vie de Saint Padarne, la Vita Paterni, un autre texte du XIIe siècle, Arthur voit la tunique de Saint Padarne et il la convoite, il est percé par l'avarice et il lui demande « Donne-moi ta tunique ». Padarne lui répond que non, cette tunique est faite pour un homme d'église, il ne peut pas la lui donner. Arthur est fou de rage, mais il s'en va. Il revient, toujours enragé, et Padarne prie pour qu'Arthur soit englouti par la terre. À ce moment-là, la terre s'ouvre et engloutit Arthur jusqu'au montant, ce qu'il force à implorer le pardon de Saint Padarne, ce qu'il lui accorde, ce sur quoi il est libéré. Après quoi, Arthur prend Padarne comme son patron. Donc, ce sont des histoires écrites par des hommes d'église, probablement pour valoriser des hommes d'église, et qui expliquent en gros qu'il faut être gentil avec les hommes d'église, sinon il va vous arriver des bricoles. Bon. Arthur n'est pas autant un antagoniste, parfois il donne juste des quêtes à ses saints, il leur dit « j'ai un dragon, j'ai un problème de tel, il faudrait que vous me produisiez un petit miracle ici ou là ». Il y a clairement une opposition entre le monde ecclésiastique et ce monde chevaleresque, ce monde temporel de la royauté. Par exemple, dans la vie de Saint Illude, Illude est dit être un cousin d'Arthur et est un soldat jusqu'à ce qu'un ange lui dise de cesser ça et de consacrer sa vie à Dieu, en fait. Dans le récit, justement, Illude voulait avant ça aller à la cour du roi Arthur parce qu'il avait entendu de telles merveilles, mais justement, la morale de l'histoire est toute différente. Par contre, certaines de ses vies donnent des indices quant à ce qu'Arthur va devenir. Par exemple, dans la vie de Saint Cadoc, on voit Arthur jouer au dé avec Kay et Bedivere quand il voit un roi nommé Gwynllyn qui amène Gladys, une femme qu'il aime, et qui est pourchassée par le père de celle-ci, Brishan. Quoique le premier instinct d'Arthur ce soit de convoiter cette femme, ses compagnons lui rappellent que nous sommes là pour aider ceux qui sont dans le besoin et dans la détresse. Ce qui est un prélude à cette idée chevaleresque qu'il faut servir les plus faibles et les plus démunis. Toujours dans cette même vie, de nouveau cette opposition entre monde temporel et monde religieux, c'est-à-dire que Arthur pourchasse un guerrier qui s'appelle Longuemain, auquel Saint-Cadoc donne sanctuaire. Saint-Cadoc abrite ce personnage, et quand Arthur l'apprend, il est furieux, il vient avec ce soldat pour en finir avec lui, quoi. Cadoc dit en gros qu'il ne veut pas laisser Arthur juger cette dispute et faire justice lui-même, mais que la dispute doit être jugée par un conseil d'hommes d'église, de saint-hommes, de vieillards, qui doivent décider ce qui va se passer. Ils rendent leur sentence, qui est que Arthur sera dédommagé en bétail, mais Arthur, par mauvaise foi, dit qu'il n'acceptera que des vaches qui sont rouges devant et blanches derrière, pour que ce soit très difficile de le payer. Et en gros, pour contrer ça, Cadoc fait venir un troupeau de vaches parfaitement ordinaires, mais par la grâce de Dieu, elles sont changées en vaches rouges devant et blanches derrière, pour se conformer au désir d'Arthur. Et une fois que Kay et Bédivère ont pris possession de ces vaches, elles se changent en bottes de foin. Ensuite de ça, Arthur demande pardon à Cadoc en disant qu'il réalise son arrogance, et puis une fois qu'il a fait ça, les vaches sont de retour dans leurs enclos comme il faut. Dans une vie de Saint Gildas, justement, on parlait de Gildas avant, qui a été écrite autour de 1130, il est dit qu'il est contemporain de Gildas et qu'il a tué Uel, qui est un des frères de Gildas, un acte que Gildas lui pardonne et pour lequel Arthur fait pénitence. Caradoc de Lancarfon, l'auteur de cette vie de saint, parle aussi du rôle de Gildas dans le retour de Guenièvre. Elle avait été kidnappée par Melvas, le roi du pays de l'été, qui inclut Glastonbury, et qu'il avait gardé dans son château, qui avait une position invulnérable à cause de ses marécages et des rivières autour. Gildas conseille à Melvas de rendre la reine à son mari, ce que Melvas fait, et en gratitude, Arthur et Melvas donnent des terres à l'abbé de Glastonbury et acceptent d'obéir à l'abbé et de ne jamais empiéter sur son territoire sacré. Autrement dit, c'est un ensemble d'histoires qui font intervenir Arthur, mais il est généralement combattu ou opposé par cette espèce de contre-pouvoir que sont les saints et l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des disputes de chevaliers qui sont résolues pacifiquement ou avec des cours de justice, avec des dédommagements, plutôt que d'être résolues dans le sang et la violence. En fait. Ça nous montre un ensemble de valeurs qui préfèrent régler des problèmes de façon judiciaire, par le discours, le dialogue ou l'apaisement, le dédommagement en bétail, comme on a vu, plutôt que des batailles, et puis tous s'entretuer, qui sont en opposition avec la figure d'Arthur qu'on avait vue jusque-là, et ça va se traduire dans la légende arthurienne ultérieure, dans ce roi bon, qui se soucie des faibles, qui se soucie des pauvres, qui n'est pas violent, qui est un bon roi éclairé, etc., etc. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a regardé un peu ces deux traditions qui apportent peut-être un éclairage un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Arthur. Donc une tradition galloise qui nous montre un Arthur qui est finalement peut-être déjà assez proche de ce qu'on connaît. Bah oui, on l'a dit, hein, y a pas mal d'éléments qu'on va retrouver après dans les romans, spécifiquement dans les romans de Chrétien III, mais tous ceux qui vont suivre. C'est des éléments qui ressemblent peut-être le plus déjà aux légendes galloises. Les chroniques dont on va vous parler la prochaine fois sont peut-être un peu plus éloignées, dans le sens qu'elles n'ont pas forcément cet aspect d'aventure individuelle ou même collective, hein, mais d'aventure particulière ou de quête, qu'elles sont plus concentrées sur une durée de temps beaucoup plus longue, un temps long. Sur le règne d'un roi. Sur le côté historique, en fait, voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on va retrouver plus tard. C'est le cas, alors, dans des vies de saints également, hein, qui sont peut-être un peu. Alors, on ne sait pas très bien, comme on l'a déjà dit et répété, hein, ces textes gallois qui sont peut-être 7e, 8e, ça serait vraiment très tôt, peut-être 11e, 12e, qui ont de toute façon été écrits d'ici au 14e, 13e siècle, ils sont certainement écrits bien avant, peut-être autour de la conquête, qui sait. Les 8 saints, c'est un peu plus ultérieur, parce que ça, on sait que c'est généralement écrit assez plus proche, parce qu'il n'y a pas forcément de tradition orale, les 8 saints. C'est quoi, 11e, 12e siècle, là, c'est peut-être un peu plus proche, disons, des romans, mais là, il y a quand même des éléments qu'on va retrouver qui ont peut-être influencé des romans de chrétiens, notamment. Bah oui, bah cet épisode de Méloise dont on a parlé avant, qui kidnappe Guenièvre dans une vie de Saint-Gildas, on va le retrouver plus tard dans le Lancelot de Chrétien de Troyes. Donc, on voit qu'il existait avant que Chrétien de Troyes le mette et qu'il intéressait pas forcément les traditions des chroniques. Donc, il y a peut-être des choses qu'on peut voir sauter de ces traditions antérieures par-dessus la tradition des chroniques pour se retrouver dans nos romances. Et par exemple, un autre élément qui peut être intéressant, comme on l'a dit, c'est le fait que dans les vies de saints, on voit des valeurs qui soient assez différentes de celles qu'on verrait dans des textes gallois, qui seraient peut-être pour caricaturer un peu plus brutal, le fait qu'on ait des Arthur qui soit confronté à des hommes d'église, ça va peut-être résulter dans un portrait d'Arthur qui est plus ce roi juste, ce roi chrétien, ce roi qui est bon et qui a une valeur de charité, si on veut, ce roi qui va aider les faibles, on le voit en germe ici. Surtout dans ses vies où il est moins le méchant que le personnage un peu éduqué, quoi, qui cherche peut-être les... Alors c'est peut-être aussi une réaction finalement à une transformation d'Arthur vers un roi guerrier brutal qui n'est pas spécialement chrétien, à un roi justement chrétien qui fait le bon travail de l'église et qui aide l'église, et que ça se reflète du coup en disant, ah bah vous voyez, tiens, on a une vie de saint qu'on veut écrire, ah mais on pourrait intégrer Arthur à ça parce qu'on sait qu'il était proche. Mais simplement voilà, c'est pas, encore une fois, on l'a répété à cette fois je pense dans cet épisode, on n'est jamais sûr trop de la chronologie, on n'a pas assez d'éléments, c'est ça avec tous les textes profanes finalement. Donc nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est montrer où apparaissent certaines choses sans avoir ça comme des espèces de limites de fer qui circonscriveraient tout ce qu'on a. Une référence qu'on peut vous conseiller pour aller plus loin, c'est le guide d'Oxford sur la littérature arthurienne, qui est publié en anglais, qui examine justement différentes traditions arthuriennes. Il regarde un peu comment est-ce que le Graal, comment est-ce que la tradition de Perceval, comment est-ce que la tradition des grands cycles se met en place, ce qui conduit justement à ces différentes traditions qui s'entrecroisent et qui, je pense, est une des manières les plus intuitives de découvrir tout ça. Oui, c'est assez intuitif, c'est une lecture facile, c'est assez encyclopédique par moment, même si c'est loin d'être exhaustif. Inévitablement, il ne discute pas les textes en profondeur, il discute surtout les éléments qui reviennent et qui vont ensemble. Et alors, je ne l'ai pas encore exploré complètement, hein, mais c'est vrai qu'il y a, ça va jusqu'à des traditions très récentes. Donc, c'est assez intéressant si vous voulez avoir vraiment une vision transversale, rapide, un plan d'ensemble, si vous voulez, de la mythologie arthurienne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette étude des traditions galloises primitives et de ces vides saints qui ont pu influencer après les textes ultérieurs. La prochaine fois, on va vous parler d'une tradition peut-être plus visible, en tout cas plus connue. C'est la tradition des chroniques, et notamment la plus importante, celle de Geoffrey de Monmouth, l'histoire des rois de Bretagne, l'Historia Regum Britanniae, qui est vraiment un des best-sellers historiques du Moyen-Âge, si on peut le dire comme ça. C'est l'équivalent de l'histoire mondiale de la France aujourd'hui. Ça se lit partout, ça part comme des petits pains, et c'est vraiment des bases de l'histoire britannique pendant très longtemps, quoi. Et avec ça, ceux qui sont ses successeurs directs, donc Wass et Lachmann surtout. En français et en anglais respectivement. Et on vous dit donc à la prochaine fois. À très bientôt. Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @radiokawa, RadioKawa. Et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawa.com, comme radiokawa.com sans le point, RadiokawaCom. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film! Je me demande bien comment ils peuvent faire ça! Eh dis donc, Giboite! Si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche! Y'a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel! Avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite! Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite! Allez, Marcel! Au studio! Y'a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite. Une fois par mois. Sur Radio Kawa.